direct à la radio, notre invité qui arrive tout de suite, c'est dans les studios, Mohamed, il est là. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Avec les beaux jingles de la radio, je l'accueille aujourd'hui, c'est Mohamed Ouattman, excuse-moi, je l'ai mal prononcé, je le prononce bien. Bonjour Mohamed. Bonjour Francky, comment tu vas? C'est ça, Ouattman? Ouattman, c'est ça. Bon, bah voilà, je l'ai bien prononcé, je l'ai bien appris toute la nuit, en direct à la radio. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Après, on recevra le Lions Club en direct, et puis toi, bah, des bonnes choses, t'en fais pas mal. On va parler de ta carrière, de ta vie. Bon, Ahmed, d'abord, qui es-tu? Présente-toi un petit peu aux auditeurs pour savoir, avant d'attaquer le Food Friday, c'est ça? C'est ça. Voilà, on va en parler juste derrière. Donc, moi, c'est Mohamed Ouattman. Donc, je suis gérant du restaurant Poulet Braisé, donc sur la commune de Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Donc, marié, 4 enfants. Mmh. Voilà, un petit peu. Donc, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le social, donc 20 ans donc, dans la structure Azelco. Ah, t'es un pote à Yves Baudard alors? Ah, bah écoute, je pense qu'on fait un peu le même travail. Je le salue au passage, Yves. Je le salue aussi. Ouais, super bonhomme. Super, j'aime ce qu'il fait. Moi aussi, il a du boulot. Oui, il y a énormément de travail actuellement. Beaucoup de travail avec le social, Mohamed, pour toi, aujourd'hui, de plus en plus, peut-être, même en mode Covid. Bah, tout à fait. Donc, ouais. Tu sais, moi, j'ai quand j'ai ouvert mon restaurant, donc il y a 3 ans, donc on va bientôt fêter nos 3 ans, donc au mois de janvier. Bravo. C'est le plus dur, les 3 ans à passer, apparemment. C'est ce qu'on dit dans les sociétés. C'est ce qu'on dit. Donc, quand on traverse la barrière les 3 ans, apparemment, ça va mieux. Bon, tant mieux. Mais bon, malheureusement, comme tout le monde le sait, le Covid est passé par là. Aïe. Donc, on souffre un petit peu. On souffre, ouais, d'accord. On va parler justement de ta générosité, le Food Friday, hein. C'est tous les derniers vendredis de chaque mois, je crois. Alors, si je me trompe. On peut expliquer un peu aux étudiants, qu'est-ce que le Food Friday? D'accord. Alors, je vais commencer par le début, parce voilà. Que donc le Food Friday, c'est la dernière étape. Mais avant le Food Friday, donc il y a eu le Frigo Solidaire. Ah ouais, alors à Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Tout à fait. Donc quand j'ai ouvert mon restaurant, donc quelques mois après, j'ai ouvert donc ce qu'on appelle le Frigo Solidaire. Donc le concept, il est tout simple. Donc un frigo devant mon restaurant, sur les aires d'ouverture du restaurant. Ouais. Et voilà, j'ai mis un frigo, puis j'ai mis une armoire à côté. C'est un concept qui est né à Berlin. Non, en Allemagne, j'ai trouvé l'idée super géniale et toute simple, mais très efficace. Voilà, donc tous mes clients, les passants, qui veut, qui le souhaite, se sert. D'abord, dépose des denrées alimentaires, ouais, et après, type riz, pâtes, et j'ai le frigo, donc tout ce qui est frais. C'est des denrées non périssables, hein, parce qu'on peut pas alors, mettre des, voilà. C'est non périssable, et puis des fois sur les gâteaux ou des pâtes, même si ouais, il y a quelques jours, c'est pas ouais, grave, ouais, parce qu'on sait que c'est pas la fin du monde. Par contre, ce que je ne prends pas, c'est tout ce qui est poisson, viande, ouais, voilà. Je ne prends pas de risque avec tout ça. Mmh. Et donc voilà, donc ce constat, à force de discuter, de parler avec les un peu aux gens qui se servent un petit peu dans ce frigo. Ouais. Donc, ouais, j'ai oublié de dire, c'est que les nécessiteux se servent gratuitement dans ce frigo. C'est-à-dire, les gens, ils ont déposé quelques marchandises, et toi, tu viens, t'as pas beaucoup d'argent, t'es un peu riche, tu arrives, tu ouvres la porte, tu prends un paquet de pâtes. Voilà, tout c'est ça, fait. Ça se passe comme ça. Alors, il est pas à l'intérieur du restaurant, il est à l'extérieur. Ouais. Justement, pour pas trop aussi perturber un petit peu ces gens qui peuvent avoir honte de se servir. Il y en a, ouais, malheureusement. Voilà, malheureusement, ouais, le frigo, il est à l'extérieur du restaurant, donc il se sert gratuitement. Et quel est le constat aujourd'hui? Parce qu'on parle justement de plus en plus de jeunes sont un peu dans la difficulté. Ça, c'est la réalité. Tu l'as vu, tu as discuté un peu avec eux? Ah, tout à fait d'abord. Donc, ouais. Bien avant le restaurant. Donc, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans donc, au sein de la Zelco. Mmh. Donc, j'ai quand même fréquenté donc, un peu les personnes un petit peu dans le besoin. Mmh. Et on sent que les gens sont dans le besoin. Mmh. Ils ont les fins de mois sont très difficiles. De plus en plus. De plus en plus. Mmh. L'éducation, manger, donc voilà, le panier à Auchan ou à Carrefour, il coûte très cher, ouais. Et donc les gens ils se restreignent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, surtout sur les personnes âgées aussi, hein, les retraites, des petites retraites malheureusement, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont 800, 900 balles par mois pour vivre. Alors là-dessus, il faut enlever le loyer, il faut enlever l'électricité, il faut enlever tout ça, hein, attention. Hein. Bah, justement, donc ça a été donc. Pendant le Covid, on a eu énormément d'appels avec des personnes âgées qui étaient dans le besoin. Et du coup, on a monté un petit projet. On livrait gratuitement des plats chauds à toutes les personnes âgées isolées. Parce que pendant le Covid, ils pouvaient pas se déplacer, aller faire les courses. Donc, c'était très difficile pour eux. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, donc on a livré gratuitement des plats chauds chez eux. Domicile. Et là, il y a un lien qui se crée. On peut discuter avec eux déjà, parce que la pauvre personne âgée qui est chez elle, malheureusement, elle voit personne. Là, on peut discuter au moins 10 minutes. Ah oui, mais j'ai mon petit frère des fois qui livrait. Ouais. Il a passé 30 minutes parce que les gens étaient en pleurs. Ils ont envie de parler, quoi. Ils ont envie de parler, donc ouais. Ça c'est énorme. C'est la relation qu'on a donc privilégiée quand on fait ce type d'action, elle est énorme. Ouais. Et donc du coup on continue un petit peu dans la solidarité. Ça me pousse à aller un peu plus loin. Donc d'où ma réflexion un peu cet été. Et donc on a pensé à autre chose parce que les gens ne mangent jamais au restaurant. Il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un restaurant. Et là, c'est quand même un constat fort. Donc, on peut pas rester quand même muet comme ça. Et donc, l'idée, je parlais avec un ami, donc Amine, le magicien. Donc, on parlait comme ça. Ah, on le salue au passage. Ouais, un petit salut. Je le salue aussi. Donc, j'ai pas vu. Il a disparu. Il est toujours là. Donc, c'est un magicien. Il vient régulièrement au restaurant. Donc, sympa, je passe un grand bonjour. Et puis, je parlais comme ça avec lui du projet. Et puis, il m'a donné le nom. Il m'a dit, tiens, le Food Friday. Alors pourquoi Food Friday ? Alors justement parce que moi mon restaurant il est fermé le vendredi midi. Ouais. Et du coup donc on s'est dit tiens de la restauration le vendredi donc à l'américaine le Food Friday. Donc ça rappelle un petit peu le Black Friday. Ouais donc, c'est ça. C'est ouais. Ça, ça sonne bien. Là, c'est pas acheter des fringues. Et là c'est pas acheter des fringues, c'est donner à manger gratuitement donc aux nécessiteux. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui toi là ? Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque ? Alors, je peux le petit bilan donc la première journée qu'on a fait ça a été donc le dernier vendredi de septembre. Donc on a eu 40 personnes sur place. Mmh. On a livré 25 plats pour les 100 domiciles à Place d'Arc et on a livré 30 plats directement au foyer des migrants à Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Donc sincèrement, quand on voit tout ça, il y a une misère qui est forte, qui est présente, et je peux vous dire que quand on voit le sourire des gens qui sortent là-dedans, c'est plaisir. Ça me fait, moi, voilà, c'est tout ce que je souhaite, c'est ça, c'est le petit sourire, c'est le remerciement des personnes, c'est chaleureux, ça donne de la force inimaginable, donc voilà, ça me donne envie d'aller plus loin. Est-ce que c'est pas trop dur l'organisation justement du frigo, l'extérieur, du placard à gérer, alors, avec les personnes qui passent malencontreuses, ouais. Parce qu'il doit y en avoir, à mon avis, hein, faut être honnête. Tout non, à mais, fait. Il y en a toujours. Il y en aura toujours. On ne peut pas refaire le monde. Non. L'éducation des gens, on ne la fera pas. On ne la fera pas, mais moi, je ferme les yeux. Donc, ferme les yeux là-dessus. Je vais fermer les yeux. T'avais une caméra, non ? Même pas. Même pas. Même pas. Mais je te pose des questions. Parce que tu sais, si la personne. Je vais aller prendre un paquet de pâtes tout à l'heure qu'on ne me voie pas. Attention, Francky, je te surveille. Non, je pourrais. Non, mais honnêtement, les gens, je pense que la personne qui va se servir dans un frigo cidre qui n'est pas dans le besoin, bah, il peut avoir compte. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est difficile quand même de. Mais bon. Je vais pas contrôler toutes les personnes qui viennent se servir parce que c'est pas le rôle. C'est ingérable. Après, c'est un autre boulot. Travail, puis c'est pas mon but. C'est pas le but, voilà. Sinon, je ne fais rien. Je préfère ne rien faire que de faire la police. Faire confiance aux gens aussi. Je fais la confiance. C'est important. Je fais énormément confiance aux gens. C'est comme ça que ça se passe. Et je pense que les gens dans leur tête aussi, comme tu le disais, aller prendre un paquet de pâtes alors qu'on en a pas besoin, aucun intérêt. Moi, le premier, si je passe devant, si j'ai pas de pâtes sur moi, malheureusement, je me balade pas avec des paquets de pâtes, mais moi, si je peux donner, ouais, je le donnerai avec plaisir. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Mais aller prendre un paquet de pâtes ou un pot de yaourt, aucun intérêt quoi. Non, c'est vrai que c'est pas. Ouais. T'as un appel au don aujourd'hui aussi. Des messages. Ouais. Voilà, la prochaine journée donc c'est le 30 octobre, donc le vendredi 30. Ah bah c'est avant Halloween. Donc avant Halloween, donc ce sera pas celui-ci, donc ce sera le prochain vendredi. Donc on a décidé de faire un tagine parce que j'ai aussi une armée de bénévoles avec moi. Ouais. On a plus de 30 aujourd'hui de bénévoles qui sont impliqués, mais vraiment impliqués. Et je les remercie parce que sans eux on n'est rien. Donc moi, je peux ouvrir, je peux faire, et pas de souci. Mais sans ces bénévoles, qui ont une implication très très importante à mes yeux, j'ai des professionnels, j'ai des adhérents, j'ai des gens qui sont des clients. Ouais. Des gens qui viennent comme ça, t'aider. Moi, je veux filer un coup de main, j'y connais rien, mais je veux filer un coup de main, ça arrive. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Mais c'est bien, c'est les meilleurs en général. Oh, c'est le top. On a créé une ambiance, on a une petite boucle WhatsApp entre nous, Food Friday, et du coup, ça a même créé des liens autres. Parce que les gens, maintenant, ils se connaissent, ils se fréquentent, on mange ensemble, on boit des coups ensemble, et rien que ça, déjà, c'est que du bonheur. Ouais. Et justement, en ce moment, en mode Covid, enfin, en ce moment, depuis un petit moment, déjà, ça dure, c'est pas plus compliqué à gérer ? Est-ce que c'est dur ? Est-ce que les gens viennent ou ne viennent plus ? Alors, tu parles pour le restaurant ? Ouais, pour le restaurant. Donc, jusqu'à là, nous, on a été un petit peu donc épargnés, entre guillemets, donc, mais on a senti la baisse quand même. Ah, une grosse baisse, ouais, ouais. Et surtout en ce moment, parce que bon, quand on ouvre la télé, donc du matin jusqu'au soir, Faut pas ouvrir la télé, hein, parce que BFM, ça fait flipper. Hein. Ah, ça fait flipper. Ah, bah, moi, si je regardais BFM tous les jours, je crève. Hein. Ah, non, mais. Non, mais faut être honnête. On crève tous ensemble. Et donc, du coup, on a senti, par exemple, cette semaine, que les gens, voilà, ils commençaient un peu à prendre. Ils prennent les précautions, ils viennent pas trop, ils préfèrent se faire livrer un plat, emporter, plutôt que de faire du surplace. Ouais. Et voilà, l'avenir, donc, on le sent un peu bizarre, on est inquiet, on est... Tout le monde, je crois. Ouais, je crois que là, je sais pas où est-ce qu'on va, mais honnêtement, on y va droit au mur, quoi. T'as peur, parce que là, ils annonçaient la fermeture des bars à partir d'aujourd'hui à 22h. Est-ce que t'as peur, toi, pour les restos, qu'on dise, bah, à 22h aussi, on arrête les restos? Bah oui, parce que si on a une fermeture à la parisienne à 21h, couvre-feu, bon, les restaurants sont morts. Donc, malgré les aides qu'on peut avoir par ici, par là, mais c'est pas assez pour attraper un peu tout ce qu'on perd. Donc je crois que les professionnels du restauration de la nuit, n'importe quoi, on n'a plus rien à foutre des aides entre guillemets. Non, mais faut être honnête, ils préfèrent réouvrir, les gens. Maintenant, ils en ont marre. Bien sûr, parce que les aider, ok, ouais, on a la thune, mais tu fais quoi? Les gens, ils tournent, ils sont là. Ils tournent en rond, donc moi j'aime mon restaurant, j'aime le contact, j'aime l'accueil, c'est ça un petit peu. Bah, j'étais pas obligé de faire un restaurant, mais je l'ai ouvert parce que je garde ce contact avec les clientèles et qui à mes yeux, très important. Ouais. Comment tu vois l'avenir justement avec le Food Friday? Tu vas évoluer, tu vas faire d'autres choses? Il y a d'autres projets qui sont prévus? Tout à fait. Donc le Food Friday donc a de beaux jours devant lui, donc parce que les gens se mobilisent. Là, par exemple, j'étais en réunion avec le délégué donc à la préfecture, que je salue d'ailleurs, Thierry Maubert. Ouais, sympa. Sympa. Donc il se projette avec nous sur les prochains. Donc il trouve l'idée géniale. Donc on va travailler ensemble. Là, par exemple, sur le mois de novembre, on va faire une super géante paella. Ah bien. Donc voilà, pour changer un petit peu. Donc parce que en fait, le Food Friday, c'est par thématique. Donc, un jour, c'est paella, un jour, c'est tagine, un jour, c'est burger, cassoulet. Ah, c'est bien, et voilà, par rapport aux bénévoles que j'ai, donc, on crée des thématiques dans ce sens-là. Et donc, on pense déjà à décembre. Parce que décembre, le dernier vendredi de décembre, ça tombe un vendredi. Donc, le 25, le vendredi. C'est un jour de Noël. C'est le jour de Noël. C'est le jour de Noël. Voilà, ça va foutre les boules, là. Et là, nous, on va faire. Alors, t'imagines le jour de Noël, en mode Covid, machin. Oh là là, faut être solide, là. Il faut être solide, mais nous, on a quand même des envies un peu hautes. Moi, je peux me dire déguisé en Père Noël, si tu veux. Non, mais sérieux. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Moi, en ce moment, je suis fermé. Alors, si tu veux, je peux me balader toute la journée en Père Noël. Avec grand plaisir. Tiens, on fera appel à tes services. J'ai ce costume, en plus. En plus. Parce que, en fait, j'ai envie d'offrir un peu une fête digne de ce nom à tous mes nécessiteux qui viennent régulièrement un petit peu donc sur le Food Friday. J'ai envie de leur faire une super belle dinde donc de Noël avec un sapin de Noël géant, un vrai Noël comme ils n'ont jamais eu, ou ils n'auront plus, ou ils n'ont pas. C'est exactement ça, avec un spectacle de magie, avec un spectacle. Amine, pourquoi pas, avec un DJ qui met un peu d'ambiance. Ouais, c'est bon ça. Et on veut faire une belle petite fête. Mmh. Et surtout, je veux que chaque enfant parte avec un petit jouet. Ah ouais. Donc voilà, donc ça fait un. Donc là, il y a un appel au don là-dessus. Exactement. C'est un appel au don, c'est un appel donc aux bénévoles pour donner un coup de main ce jour-là. C'est aux prestataires. C'est. Moi, je pense aux appels au don pour les jouets. Tu parles, il y a les magasins de jouets. Des fois, ils ont des trucs, tu sais, ils mettent dans les placards parce que il y a un petit rayure, il y a une éraflure, il est un peu cassé. Mais ça pourrait faire plaisir, si un magasin de jouets qui nous écoute sur la région là. Ah oui. Faites un don là. Il y a toujours des jouets dans la réserve. Je vais me balader dans les magasins de jouets un peu voir ce qui se passe. Ouais. En tant que journaliste, je vais juste demander. Ça peut servir. Tout est bienvenu. On est ouvert à toute proposition, coup de main humain, financier, partenaire. On est ouvert à tout. Et voilà. En tout cas, une belle aventure, Mohamed. Un dernier mot pour finir, Mohamed, si tu veux. Je te laisse le mot de la fin, c'est toi l'invité. Hein. Merci à toi. Je suis galant. Eh ben, écoute, moi, j'ai juste envie de dire, donc, on est dans un merdier pas possible avec ce qui se passe. Et la demande est forte, le besoin est fort. Donc, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit unis. Chacun met un peu du sien. Nous, c'est 50 centimes, 1 euro de don. Eh ben, on peut faire des heureux, on peut faire des choses grandioses avec. Donc, tous ensemble, on peut y arriver. Ben voilà. Et puis, moi, mon principe à moi, c'est plus je donne,